Nous arrivons aujourd'hui au chapitre 12 de 2 Samuel. We are studying in the book of 2 Samuel, chapter 12 this morning. Un petit retour en arrière. Nous avons vu les grands péchés de David. We have looked at the great sin of David. Souvenez que c'est un homme qui reste dans l'histoire, dans les Saintes Écritures, comme un homme qui était selon le cœur de Dieu. You may remember that he remains in history in the Bible as a man who is known as the man after God's own heart. Le prophète Nathan avait été même envoyé par Dieu, par l'Éternel. The prophet Nathan was sent by God, by the Lord. Pour indiquer à David que s'il ne le laissait pas construire une maison pour lui, ce serait son fils qui lui construirait un temple. To indicate to David that he was not to build the temple, that would be his son's work. Dieu allait lui construire une maison éternelle, lui assurer une dynastie qui allait durer jusqu'à la fin des temps et même au-delà. God would be assuring the construction of a house of sorts, a dynasty through David that would last forever. Au point que le Messie allait être connu sous le nom de fils de David. To the extent that the Messiah would be known as the son of David. Et donc on a ce contraste saisissant entre la considération que Dieu a donnée et continue de donner et donnera toujours à David, un homme selon son cœur. So we have this striking contrast of the attention God is giving to David, this man after his own heart. Et l'épisode que nous avons étudié la semaine dernière, nous l'avons vu violer 4 des 10 commandements. And the episode we looked at last week where he violated 4 of the 10 commandments. Il a commis l'adultère. He committed adultery. Il a dissimulé, il a menti. He lied, deceived. Il a tué. He murdered. Indirectement, mais c'est lui qui est responsable du meurtre de Uri. It was indirectly, but he was responsible for the murder of Uriah. Et de la mort d'autres personnes. And others. Et ce faisant, il a fait dire du mal du nom de Dieu. And because of this, God's name was maligned. Et lorsqu'on a décrit son adultère avec cette femme Bathsheba qui était mariée, and when we describe the adultery that he committed with this married woman Bathsheba, dans un moment de passion, in a moment of passion, on voit après la préméditation pour couvrir son crime. After we see his premeditation in planning how to cover up his crime. La façon dont il, son hypocrisie pour envoyer un de ses meilleurs guerriers à sa mort. And the way his hypocrisy sent one of his best warriors to his death. Et la façon dont il avait pensé pouvoir couvrir ainsi son crime. And the extent he went to cover his crime. Et à la fin, nous avons vu qu'après la mort de Uri, son guerrier, le Hittite, il avait épousé. And at the end, after the death of his warrior Uriah, he married. Il avait épousé sa femme Bathsheba. Uriah's wife Bathsheba. Et il était dit à la fin du chapitre 11, elle était devenue sa femme, elle lui avait donné un fils, elle lui enfanta un fils. And at the end of chapter 11, it tells us she became his wife and she bore him a son. Et là, il y a un petit verset plein de sens, un peu inquiétant. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. And there's a worrisome end to the verse that when it says that David had, what he had done was evil in the sight of the Lord. Ce qui est curieux, c'est de voir tous les efforts que David a déployés pour cacher son péché vis-à-vis des hommes. It's curious all the energy David used to hide his sin from men. Sans être apparemment le gêné d'avoir péché aux yeux de Dieu. Without apparently being bothered at all about his sin in front of God. Et souvent dans nos vies, nous avons tendance à commettre des choses en privé que nous ne permettrions pas, ou que nous ne voudrions surtout pas que les autres sachent. And often in our own lives, we do things in private that we wouldn't want people in public to know. Et pourtant, il est vital, il est essentiel de réaliser que nous avons un témoin qui est toujours là. And yet, it's vital that we know there is someone who is always there. Dieu est toujours là. God is always there. Il est dit dans Hébreux 4, verset 13. In Hebrews chapter 4, verse 13. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui, parlant de Dieu. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. It says there is no creature hidden from his sight, meaning God, but all things are open and laid bare to the eyes of him with whom we have to do. Dieu est toujours là. God is always there. Dieu voit tout. He sees all. David a dit dans le psaume 139. David tells us in Psalm 139. Et vous en souvenez sans doute. You may remember. Lisons ensemble peut-être avant de commencer dans 2 Samuel 12. Before we begin in 2 Samuel, let's read in Psalm 139 together. Psaume 139, verset 7. Starting at verse 7. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. So Pierre read in 139, verses 7-12. On a tendance à penser que dans le noir, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire au grand jour, mais pour Dieu, c'est la même chose. We have a tendency to think we can do things in the darkness that we would not do in broad daylight. But for God, darkness and light are the same. David est resté dans cet état de culpabilité non confessée pendant près d'un an. David remained in this state of unconfessed sin for a year. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, nous soucions de l'opinion des hommes. What's terrible is we worry about man's opinion. Mais nous allons négliger l'opinion de Dieu au risque d'interrompre la communion avec lui. But we neglect God's opinion to the point of destroying our relationship with him. Notre communion, notre intimité avec lui. Our communion, our intimacy with him. Et pourtant, c'est la raison pour laquelle nous sommes créés. And yet that's the very reason we are created for. On a tendance à prendre ça à la légère. We tend to take this lightly. Bon, j'ai péché, ça va pas très bien avec entre moi et Dieu. I sinned. It's not going real well between me and God. Mais ça détruit le but de notre propre existence. But it destroys the very reason for our existence. Imaginez un avion. Imagine an airplane. Qui, pour une raison ou pour une autre, ne vole jamais, reste toujours au sol. That for one reason or another never flies, it's always on the land. Une voiture qui ne bouge jamais du garage. A car that never leaves the garage. On pourrait multiplier les exemples. We could go on and on with examples. Une raquette de tennis qui reste enfermée dans un placard. A tennis racket that stays in the cupboard. Etc., etc. Si nous ne cultivons pas, si nous ne faisons pas l'expérience d'une relation avec Dieu, nous sommes pareils. If we don't cultivate a relationship with God or experience with God, we're just the same. Et David avait mis de côté sa relation avec Dieu. And David had set his relationship with God aside. Mais Dieu ne nous abandonne pas. But God never abandons us. Parce que Dieu nous aime. Because he loves us. Il est le père du fils prodigue. He is the father of that prodigal son. Qui est impatient de retrouver cette communion avec moi. Who's impatient to re-begin that communion with me. Et en fait, avant que Dieu n'envoie le prophète Nathan lui parler, and before God sends the prophet Nathan to speak to him, Dieu travaillait par son Esprit Saint déjà en David. God is already working through his Holy Spirit in David. Il souffrait. He was suffering de cette séparation, même s'il ne réalisait pas bien. From this separation, even if he wasn't fully conscious of it. Et il s'est exprimé très clairement et très honnêtement dans deux psaumes, le psaume 32 et le psaume 51, qu'on va regarder aussi. He expresses this clearly in two psalms, Psalm 32 and Psalm 51, qui font référence à cette période de sa vie. It makes reference to this period in David's life. Verset 1. Heureux celui dont la transgression est enlevée, celui dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Il fait référence à cette période après le meurtre d'Uri, l'adultère et le mariage avec Bathsheba. Tant que je me suis tu, j'ai rien dit, j'ai caché, mes os se consumaient. J'étais au plus mal en moi-même, physiquement. Je gémissais toute la journée, moralement, émotionnellement. J'étais mal comme tout. Car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. So Pierre read verses 1 through 4 where David is describing his moral and emotional state. He's suffering. Et puis verset 5, c'est après qu'il ait admis son péché et non pas qu'il l'ait fait connaître à Dieu. Dieu le connaissait, son péché. And in verse 5, he admits his sin even though God already was aware of it. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, tu m'entoures de cris de délivrance. So Pierre read through verses 7. Psaume 51, regardons un peu ça nous révèle son état d'esprit, ce qu'il vivait. And a quick look in Psalm 51, we once again see his state of being. Dans la superscription, l'inscription, la note qui se trouve au-dessus du psaume, il est dit au chef de cœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. And there is a title at the beginning of the psalm that says it is a psalm when Nathan the prophet came to David after he had gone into Bathsheba. Et là il s'exprime, il crie vers Dieu, ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant toi. So Pierre read verses 1 through 3 where David is admitting his sin is ever before him. Et il va ajouter ce qui peut nous sembler scandaleux parce que nous nous souvenons qu'il a péché avec Bathsheba, il a commis l'adultère avec elle. Il a péché contre son mari Uri qu'il a envoyé mourir, il a péché contre les hommes qu'il a envoyé mourir, qu'il a fallu faire mourir avec Uri pour cacher son péché. Et pourtant, il dit, c'est contre toi seul que j'ai péché. Nous y reviendrons. And in verse 4, we're surprised when he says, against thee, thee only have I sinned, because we witnessed all the sin against Bathsheba, her husband Uriah, the men who were killed because of his sin. But we'll come back to this. Ce que David avait fait avait déplu à l'Éternel, et lisons ce que l'Éternel va faire pour ramener ce fils prodigue, cet homme selon son cœur, dans la relation, la communion avec lui. So what David did was not pleasing in the Lord's sight. So let's read together in chapter 12. We'll see all that the Lord does for this prodigal son. Il dit, l'Éternel envoya Nathan, donc le prophète, vers David. Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une même ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche ménagea son petit ou son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'apprêta pour l'homme arrivé chez lui. Nathan, inspiré par Dieu, par l'Esprit Saint, va confronter le roi David. So Pierre read verses 1 through 4 and we see that Nathan is sent by God to confront David. Et ça demande un sacré courage de la part du prophète. And it requires a pretty incredible amount of courage on the part of the prophet Nathan. Il y a le danger de perdre la relation privilégiée qu'il avait avec le roi. There was danger of his losing his privileged position with the king. Perdre une relation, c'est triste, mais il aurait aussi pu perdre sa tête. And not just lose his relationship, but lose his head. À l'époque, quand quelqu'un déplaisait à un monarque, in that day when someone was displeasing to the monarch, personne ne se serait étonné de voir Nathan condamné à mort. No one would have been surprised to see Nathan condemned to death. Dieu inspire à Nathan de parler en parabole. God inspires Nathan to speak in parable. Parce que Dieu veut vraiment percer le cœur de David. Because God wants to truly pierce David's heart. Et l'avantage des paraboles, c'est que tout est dit avant qu'on ne comprenne le sens du message. The advantage of parables are that all is said before we truly understand the message. Et je me rappelle que lorsque nos enfants étaient petits, Pierre remembers when our children were small. Je sais plus si c'était suite à cet exemple ou si j'avais aussi compris que ça pouvait porter davantage. He doesn't remember how he came to the realization. Mais plutôt que de les gronder parce qu'ils avaient été manqués de gentillesse avec un petit copain ou qu'ils avaient dit des choses qui n'étaient pas bonnes à dire ou quelque chose, je leur parlais. Instead of scolding them when they hadn't been kind to a friend or done something incorrectly towards someone, en leur racontant des histoires, Pierre would speak to them in the form of a story. Et par exemple, s'ils avaient refusé de prêter leurs jouets à des copains, for example, if they refused to share a toy with a friend, je leur racontais l'histoire des petits ours qui s'amusaient. He would tell them the story about the little bears who were playing together. Des fois, je mimais avec les petits nounours. And he'd take a little stuffed bear. Et en montrant un petit nounours qui ne partageait pas ce qu'il avait avec les autres petits nounours. And when he showed the kids the little bear that didn't share with the other little bears, j'arrivais à leur faire ressentir l'émotion que ça c'était pas bien. He was able to communicate and make them understand that it wasn't good. Est-ce que vous pensez que ce petit nounours était gentil? Oh non, il est méchant. Do you think this little bear wasn't nice? No, he was a sinner. Alors je disais pas tuer cet homme. He never said you are this man. Mais je leur faisais comprendre en fait quand tu n'as pas prêté tes jouets avec Alex, tu étais un peu comme ça. But he was able to tell him when you were playing with Alex, you were just like that. Alors je vous préviens si vous voulez utiliser cette méthode, He'll warn you if you want to use this method. Ça va marcher pendant un temps. It works for a while. Et après, quand il voit qu'on amène les petits nounours ou qu'on raconte une histoire. But after a while, when you come back with the little bear every time. Là, c'est la première fois que Nathan fait le coup à David. This is the first time Nathan is doing this with David. Et ça marche à la perfection. And it works perfectly. Parce que il éloigne David de sa position de pécheur. Because he creates a distance for David from his condition as a sinner. Pour lui faire réaliser l'horreur de son péché. For him to be able to realize the horror of his sin. Et donc il prend cette analogie de deux hommes, un riche et un pauvre. So he takes the analogy of two men, a rich man and a poor man. Encore une fois, pour David, lui il était le roi et l'autre était un serviteur. Mais là, c'est deux hommes devant Dieu. So it's a little different for David, but here we have two men before God. Nous savons que David avait de nombreuses femmes. Il y avait avec Bathsheba, c'était le numéro 8, numéro 8, comment on dit? Knowing that David had many wives, this was his eighth wife. Il avait plein de concubines. Many concubines. Et Nathan, ne prenez pas offense, mesdames, il dit que ce riche propriétaire avait beaucoup de bétail. And David saying, this rich man had many animals, flocks and herds. He had a lot of cattle. C'est pas pour dire que les femmes sont du bétail, bien entendu. I'm not going to go there. Mais c'est pour montrer le contraste de ce pauvre homme qui n'avait qu'une toute petite brebis, gentille, mignonne, tout plein. So he's just drawing this contrast with these one little ewe lamb. Et il explique qu'en fait, elle était comme un enfant dans la maison. And he explains that it's like a child in the house. Elle grandissait, il la nourrissait, elle mangeait de son pain, elle buvait dans sa coupe, elle dormait sur son sein. C'était une brebis domestique. He grew up, was fed and lived with the family. It was like a domestic pet. Et en fait, dans cette description, on voit comment David avait été faire chercher Bathsheba, comment elle était venue chez lui, qu'elle dormait sur son sein, qu'elle buvait dans sa coupe. Plutôt, c'était ce que David voulait encourager son mari Uri à faire lorsqu'il lui disait va chez ta femme et va coucher avec elle en essence. And we can see how the example is an analogy of what David did, trying to get Bathsheba to be close to her husband Uriah. Et puis il est question d'un voyageur qui arrive. Ce voyageur qui arrive, c'est le désir impur que David a eu pour cette femme Bathsheba. And then enters the traveler in the story, and he represents David and his role in Bathsheba's life. Ce voyageur, c'est ce désir pour avoir une relation avec une femme. The traveler represents the desire for this woman. Et donc Nathan continue en disant que au lieu d'aller prendre de son bétail nombreux, il est venu voler la pauvre petite brebis. And Nathan goes on saying that instead of taking from his own flock, he steals this one little ewe lamb. David, lui, c'est le roi, il pense que c'est peut-être une situation réelle. And David as king believes this is maybe a real story. Et il dit, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, verset 5, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il renda au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. And in verses 5 and 6, we see David's response. He's very angry. David, rappelez-vous, c'était le berger. You remember David was a shepherd. C'est maintenant le roi qui est responsable de ses citoyens, des citoyens, comme s'il était encore un berger pour ses brebis. And in a sense, he's still a shepherd. He's the king responsible for his citizens. Et cette histoire le met en colère. And this story angers him. Il jure même l'Éternel est vivant, c'est-à-dire devant Dieu, je m'engage à dire que cet homme doit restituer au quadruple, il doit même mériter la mort. And he swears, as the Lord lives, surely the man who has done this deserves to die. Ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent lorsque nous voyons notre péché, notre propre péché chez les autres, que nous avons tendance à être le plus agressif, le plus condamnant envers ce péché que nous voyons chez l'autre, mais que nous ne voyons pas chez nous. And it's interesting when we see our own sin in the lives of someone else, we respond with greater emotion and anger at what they have done when it's something we are doing. Quelqu'un a dit que notre péché paraît toujours plus terrible lorsque nous le voyons chez l'autre. Someone once said our sin appears even more terrible when we see it in someone else. Nous sommes toujours prêts à ignorer, à déformer, à pardonner notre péché chez nous. We're always ready to deform, ignore, forgive sin in ourselves. Mais lorsque nous le voyons chez quelqu'un d'autre, nous avons tendance à nous emporter, à réagir avec la plus extrême sévérité. But when we see it in someone else, we have a tendency to go to an extreme. Et en fait, lorsqu'il dit aussi vrai que l'Éternel est vivant, donc je m'engage solennellement à faire exécuter cet homme à mort. And when he says, as the Lord lives, he's committing himself to bring justice and bring this man to death. Il va en fait au-delà de ce que prescrivait la loi. So he's going beyond what is required by the law. Dans l'Exode, il y avait des lois qui avaient été prescrites par Dieu. In Exodus, there were laws that were ordained by God. Que Moïse avait transcrites. That Moses wrote down. Et dans Exode 21:37, il est dit: lorsqu'un homme volera un bœuf ou un agneau, s'il l'égorge ou le vend, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 pièces de petit bétail pour l'agneau. If a man steals an ox or a sheep and slaughters it or sells it, he shall pay 5 oxen for the ox and 4 sheep for the sheep. Mais David va au-delà de la punition prescrite par Dieu. Il veut la mort de cet homme. But David goes beyond what the Lord requires. He wants the death of this man. Et ce verset 7, terrible. And this verse 7, terrible verse. On ne sait pas comment, malheureusement, on n'a pas l'enregistrement, on ne sait pas quel était le ton de Nathan. We don't have a recording, we don't know what Nathan's tone of voice was. Je crois que Nathan aurait eu le courage de lui dire, en lui montrant l'index, tu es cet homme. We think Nathan would have boldly pointed his finger and said, you are this man. Ou peut-être même plus fort pour le couper dans sa colère, tu es cet homme. Or maybe even raised his voice in anger. Ou plus probablement, il lui a dit, tu es cet homme. But most probably, just softly, you are this man. David avait déjà, on l'a vu dans les psaumes, le cœur qui souffrait. We saw in Psalm that David was already suffering in his heart. Alors lisons ce que Nathan continue de dire. Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi sur Israël et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton Seigneur et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était trop peu, j'y ajouterai encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, je vais susciter un malheur contre toi du sein de ta famille, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en face de tout Israël et la face du soleil. So Pierre read verses 7 through 12. David était vraiment béni de Dieu. Son nom veut dire bien-aimé. David was truly blessed by God. His name means beloved. Nathan lui rappelle ce que Dieu a fait pour lui. C'est l'Éternel même qui lui parle par la voix de Nathan. Nathan reminds him what the Lord did. It's the Lord himself speaking with Nathan's voice. Il lui rappelle les innombrables bienfaits qu'il lui a donnés. And he reminds him of the innumerable blessings God had given him. C'est lui qui l'a choisi pour être le roi d'Israël. God had chosen him to be king of Israel. Rappelez-vous, il avait envoyé le prophète Samuel pour lui donner l'onction, pour remplacer le roi Saül. Remember, he sent the prophet Samuel to anoint him to replace King Saul. C'est lui qui l'a délivré de la main du roi Saül qui le pourchassait. He delivered him from King Saul who was chasing him. Il lui a donné la maison, c'est-à-dire la dynastie. Il l'a remplacé, il lui a donné la royauté. He gave him the house, that's the dynasty. Il lui a même donné des femmes qui étaient des femmes que Saül avait réservées à d'autres. He even gave him wives, women that Saul had reserved for others. Nous avons expliqué comment au départ il était juste le roi à Hébron, mais que finalement il avait pu être le roi de tout Israël, Israël et Juda. And he reminds him that he gave them the royalty over all of the Jews, Israel and Judah. Dieu a complètement béni David. God had completely blessed David. Et il y a cette phrase terrible, si cela était trop peu, j'en ferai encore plus pour toi. And then he adds this phrase, if that had been too little, I would have added to you many more things like these. Malgré toutes ces choses incroyables, tous ces bienfaits, toute cette bonté, toute cette grâce montrée envers toi, tu as choisi, tu as méprisé la parole de Dieu, tu as fait ce qui est mal à ses yeux. And in spite of all these blessings, all these good things, David chose to despise the word of the Lord, to disobey him. Bien souvent, c'est un principe, en fait, on le voit dans Romains 2. Often, it's a principle, we see this in Romans 2. Romains 2, 4. In Romans 2, verse 4. Paul nous rappelle que ce serait vraiment grave et stupide, verset 4, de mépriser les richesses de sa bonté, parlant de Dieu, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Paul reminds us that it's not good to think lightly of the riches of God's kindness, his forbearance and his patience, not knowing that the kindness of God is what leads us to repentance. C'est pas souvent les menaces. Often it's not threats. La menace de punition qui va nous amener à Dieu, mais c'est de nous souvenir et de réaliser tout ce qu'il fait pour nous. It's not the threats of punishments that God will inflict on us, but when we remember the kindnesses, his blessings towards us, that's what draws us to him. Et lorsque nous y pensons tous autant que nous sommes, nous avons des raisons d'être reconnaissants avec Dieu. And as we think about it, no matter who we are, we all have reason to be grateful towards God. Paul a ajouté dans Éphésiens qu'il nous a donné toutes les richesses spirituelles en Christ. Paul adds in Ephesians that he has given us every spiritual blessing, all wealth in Christ. Jacques nous rappelle que tout cadeau, tout don excellent viennent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. All good things, all blessings come from God in whom there is no change. Dieu est la source de tout ce qui est bon, de tout ce qui est bien dans votre vie. God is the source of all that is good in our life. Souvent, on pense qu'en fait, ce que Dieu nous donne, ce n'est pas le mieux et qu'on va voir un peu du côté de son ennemi, notre ennemi, Satan. Often we have the attitude that what God has given us is not good enough and we are tempted by our enemy, Satan. Et on a cette illusion que de vivre loin de Dieu, il y a des bons côtés. We live under this illusion that if we are living far from God, there are good sides to it. Et juste pour préciser les choses, j'ai un exemple en tête, c'est la jeune sœur de Nancy. Pierre remembers the example of my younger sister. Nous venions de nous convertir et nous l'encouragions à persévérer dans la foi. We had just converted to Christianity and we were pursuing our faith. Et nous l'encouragions à vraiment à s'engager pour le Seigneur. And we were encouraging her to commit herself to the Lord. Et elle, sa réponse était, je crois en Dieu, je veux bien m'engager. Her response to us was, I believe in God, I want to commit. Mais avant de le faire, je veux m'amuser un peu. But before I do that, I want to have a little fun. Tout ce que je veux, c'est m'amuser un peu. Il y a une chanteuse, je crois, américaine, qui chante ça. All I want is to amuse myself a little bit. There's a song Pierre's thinking of. Tu veux la chanter? Non. Pardon. Non. On a l'impression, on écoute, on gobe ce mensonge que Dieu c'est pas très drôle. We swallow this lie that God's not fun. Là, David se voit rappeler toutes les bontés, toutes les bienfaits qu'il a reçus du Seigneur. So here we see David reminded of all the blessings, all the good things the Lord has done. Et c'est exactement ce qui va le pousser à la repentance. And that's exactly what pushes him to repentance. C'est de réaliser que Dieu est tellement bon et lui, tout ce qu'il fait pour le remercier, c'est de ne pas faire sa volonté, de faire des choses horribles aux yeux de Dieu. He realizes how good God is and all he has done is to not follow what God desires of him. David, on reviendra, mais je veux continuer. Verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Pierre read verse 13, David says to Nathan, I have sinned against the Lord. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. And he's going on to read. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Puis Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Urie avait enfanté à David et il se mit à dépérir. David implora Dieu pour le garçon et il entreprit de jeûner. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Nous allons nous arrêter là pour quelques instants. So Pierre read through verse 16. David fait la meilleure confession qui soit. David performed the best confession there is. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. He simply said, I have sinned against the Lord. Il admet son péché, il en prend l'entière responsabilité. He admits his sin, he takes total responsibility. C'est moi qui ai commis le péché. I am the one who has sinned. Il fallait deux pour commettre l'adultère, mais il dit, c'est vrai que c'est lui qui avait initié l'invitation, etc. Il le reconnaît. It's true, it takes two to commit adultery, but David initiated it and he acknowledges. He takes the responsibility. Il cherche pas d'excuses. He's not looking for an excuse. Il cherche pas à minimiser sa faute. He's not trying to minimize his wrong. Je reconnais que j'ai commis une erreur, mais c'était parce que elle était là et elle aurait pas dû faire ça. Et with the thinking, I know I committed an error, but she was there and I wasn't thinking. Il n'appelle pas ça une faute, il n'appelle pas ça un problème. He doesn't name it as a fault or a problem. Une faiblesse. A weakness. Il dit, c'est un péché, j'ai péché contre l'Éternel. He calls it a sin and says, I have committed a sin against the Lord. Une petite parenthèse, on avait vu que dans le psaume 51, il dit aussi, j'ai péché contre toi et contre toi seul. And a little aside, we saw in Psalm 51, he says, against you and you alone I sinned. Et non, on a envie de dire à David, c'est un peu fort de café. And we might say to David, pardon, c'est un peu gros. A pretty big statement. Against you alone I have sinned. Et on a déjà parlé de cette réalisation qu'en fait une mauvaise action, un même mal. We've already remarked that a bad action affecte beaucoup de monde. Affects many. Le même mal va me faire du mal à moi. The same evil will affect me. It hurts me. Cette faute, ce mal, pour moi, c'est un vice. This fault, this bad thing for myself is a vice. C'est une violation de ma moralité, de ma conscience. Violation of my morality, my conscience. Le même acte mauvais vis-à-vis des autres, c'est un crime. The same bad act in relationships to others is a crime. C'est une violation des lois humaines. It's a violation of human laws. Et finalement, le même acte vis-à-vis de Dieu, and the same act in relationship to God, c'est une violation des lois de Dieu, c'est un péché. Is a violation of God's law and it's a sin. Donc lorsque David dit qu'il a péché contre Dieu seulement, and so when David said he sinned against God alone, il ne dit pas qu'il n'a pas fait de mal aux autres, il en est conscient, il a fait mourir des gens, il a entraîné Bathsheba dans l'adultère, il a entraîné à elle aussi commettre un péché contre Dieu. He doesn't talk about the evil towards others. He knows that he has done that. Et il a aussi péché contre lui-même, contre sa conscience, lui qui était si sensible à la volonté de Dieu, il l'a méprisé, il l'a foulé aux pieds. We've seen the results that had with Bathsheba, with her husband Uriah and others, but it also affected, he sinned against his own conscience. Verset 13, et le verset 13 est merveilleux parce qu'on voit que Dieu interrompt la confession avec son pardon. Verse 13 in Psalm 51. Pardon, non, je suis revenu à 12, 2 Samuel 12. In verse 13 in 2 Samuel, we see that God, que la confession du pécheur est interrompue par le pardon de Dieu. David's confession as a sinner is interrupted by God's forgiveness. Dès que le pécheur se repent sincèrement, as soon as a sinner sincerely repents, Dieu pardonne instantanément. God forgives instantaneously. C'est remarquable, n'est-ce pas? That's remarkable, isn't it? Nous, on a des fois tendance à accepter le pardon, mais on aime bien faire mijoter les gens dans leur jus. Oui. Might be capable of forgiving, but we like people to wallow in it a bit. Je veux bien te pardonner, mais je te parlerai la semaine prochaine. En attendant, I'd like souffre. To forgive you, but ça I'll let it bien. Go till next week. Let you suffer. It'll do you good. Il est comme le, encore une fois, l'image du fils prodigue et de son père qui l'attend. C'est exactement ça. Il est pas là à dire, attends, je vais mettre des bâtons. Il veut un cœur sincère qui se repent, qui dit, je veux me détourner du mal et je reconnais que j'ai péché. And it's truly the image of the father with his prodigal son. He truly wants a heart that will admit, I have sinned and I ask forgiveness for my sin. L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. And it says, the Lord has forgiven, taken away your sin, you shall not die. Parce que c'est vrai que, contrairement au vol de quatre brebis, ou d'une brebis qui ne méritait pas la mort, and it's true that the stealing of that one lamb didn't deserve sin. L'adultère avait mérité, c'était la loi, la mort par lapidation, par jet de pierre sur les deux personnes prises en adultère. But under their law, adultery did merit death, and both parties were to be stoned to death. Et c'est la miséricorde de Dieu de ne pas recevoir ce que son péché mérite, qui est en œuvre. Tu ne seras pas mis à mort, l'Éternel pardonne ton péché. And it's God's mercy we see at work that he has not given what he deserves. Mais, you shall not die. Verset 14. And verse 14. Mais, commence par mais. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu es pardonné, ton péché est pardonné. Mais les conséquences de ton péché ne sont pas effacées. So his sin has been forgiven, but in verse 14 there's the word however, which implies that the consequences of his sin will not be erased. Parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Le fils qui est né de cet adultère va mourir. It remarks that he has given occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, so the child that he has conceived will die. David pensait qu'en se taisant, n'admettant pas son péché, personne ne savait rien. David thought that by keeping silent, not talking about his sin, no one would notice. En fait, les ennemis de l'Éternel, ça faisait un moment qu'ils blasphémaient. But in fact, the enemies du mal de Dieu et de David. Of the Lord had been blaspheming, speaking badly of God and of David. Parce qu'ils avaient bien remarqué que Bathsheba était enceinte. They had noticed that Bathsheba was pregnant. Réalisé que son mari était mort de façon très pratique pour le roi. Recognized that Uriah had conveniently died. Elle se retrouvait dans le harem du roi. And that she was now in the harem of the king. Les langues allaient bon train. On parlait, on jasait et on blasphémait l'Éternel. So we see the people speaking and blaspheming the Lord. En disant, si c'est ça être chrétien, ne me parlez pas de Dieu. People thinking, if that's what a Christian is, don't talk to me about God. Le péché est pardonné, mais les conséquences subsistent. Sin is forgiven, but the consequences go on. Le pardon n'allait pas ramener à la vie Uri et les hommes qui étaient morts. Forgiveness wasn't going to bring Uriah or the other men back to life. Et de plus, là, le petit enfant qui naît va mourir. And beyond that, the baby that was to be born would die. Peut nous paraître cruel, injuste. It may seem cruel, unjust. Comment est-ce que ce petit enfant innocent peut être la victime à cause de ses parents? How could this small innocent infant be the victim of his parents' wrongdoing? Il y avait une publicité il y a pas très longtemps contre l'alcoolisme au volant. There was an ad recently against alcoholism and driving. Et on disait, les parents boivent et les enfants trinquent. It says that the parents drink and the children get the brunt of. Ça marche pas en anglais, c'est pour ça que c'était en français. Ça voulait dire que lorsque les parents sont ivres, les enfants se retrouvent dans des accidents ou dans des situations terribles. Le péché d'une personne affecte ceux qui sont autour de lui. The advertisement communicates that when the parents drink, the children are the ones who end up in the accidents, and it reinforces the idea that there are consequences to others for one's sin. On aime à penser qu'en fait on fait des choses et ça ne concerne que moi, ma conscience et peut-être Dieu s'il est là. We like to think when we sin that it only concerns me, my conscience, and maybe God. Mais là encore, c'est un mensonge de l'ennemi. Mais ça gêne personne, c'est, tu es un adulte consentant, c'est bon. But that again is a lie of the enemy. It who tells you it concerns no one, it's just between you and the other consenting adult. Non, le péché, mon péché affecte ceux qui m'entourent. My sin affects those around me. Et vice-versa. And vice versa. Et c'est pour ça qu'on est dans la pagaille où on est. And that's why we're in the situation we're in today. Nous sommes des pécheurs qui avons besoin de pardon et de restauration. We are sinners who need forgiveness and restoration. Après avoir parlé très courageusement, le prophète Nathan retourne chez lui, verset 15. And after having spoken courageously, Nathan, the prophet, goes home. Et il dit, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, il se mit à dépérir. David implora Dieu pour le garçon, il entreprit de jeûner. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut pas. Il ne prit pas de nourriture avec eux. Or le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait ceci. Lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire « l'enfant est mort, il fera un malheur » David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs « l'enfant est-il mort ?» Ils répondirent « il est mort ». Alors David se leva de terre, il se lava, se parfuma et changea de vêtements. Puis alla dans la maison d'Éternel et se prosterna. Il alla ensuite dans sa maison et demanda qu'on lui serve de la nourriture et il mangea. Ses serviteurs lui dirent « que signifie ce que tu fais ? Pour l'enfant vivant, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges ?» Il répondit « lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais « qui sait si l'Éternel ne me fera pas grâce et si l'enfant ne vivra pas ? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je ? Puis-je le faire revenir ? Moi j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. » David consola sa femme Bathsheba, il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. David le remit entre les mains du prophète Nathan, et on lui donna le nom de Yedidia à cause de l'Éternel. So Pierre read verses 15 through 25. Cet enfant, conformément à la prophétie de Nathan, meurt. So the child, in conformity to Nathan's words, did die. Et l'entourage de David ne comprend pas ce qui se passe parce que avant la mort de l'enfant, David jeûnait, priait, il était dans une prière intense demandant que cet enfant puisse vivre. And the people around David didn't understand because he was fasting and praying that the child would live. Et lorsque l'enfant est mort, il tourne la page. But when the child dies, he turns the page. Il dit qu'il ne peut pas le faire revenir. And says he can't bring him back. Et donc, c'est une nouvelle page de sa vie qui commence. And a new page of his life begins. Il a ces paroles encourageantes pour ceux qui ont eu l'occasion de perdre un enfant en bas âge. And they're comforting words for those who have lost a child, a young child. D'après ce qu'il dit, il dit qu'il ne va pas revenir, mais lui va aller lorsqu'il mourra, qu'il ira avec Dieu, il retrouvera cet enfant. He states that when he dies, he will be with the child again. Certains hésitent à en faire toute une théorie parce que c'est basé juste sur cette allusion, ce verset. Some would not develop a whole theory based on this one verse. Mais connaissant l'amour, la grâce de Dieu, on peut penser qu'un enfant, entre guillemets, innocent, ne va pas être condamné, même s'il est de la race de Adam, à qui le péché est transmis héréditairement. But knowing God's grace and His love, most of us would assume that an innocent child, a babe, even though he's part of Adam's inheritance with the sin nature. C'est en tout cas ce qu'on peut déduire de cette réaction de David qui est confiant qu'il va revoir cet enfant dans la félicité. We deduct from David's reaction that he believes he's going to be with that child again in eternal life. Il est intéressant de noter que David, même s'il jeûne intensément, s'il jeûne complètement, s'il prie intensément, and it's interesting to see that even David fasting intensely and praying intensely ne met pas en question l'amour de Dieu, il admet la volonté de Dieu. Never calls into question God's love. He admits God's love. Ça, c'est pour nous rappeler que on peut, le Seigneur nous invite à prier, le Seigneur nous invite à jeûner. And it should remind us when the Lord encourages us to pray, to fast. Mais que ce n'est pas pour le manipuler. It's not to manipulate him. Vous vous souvenez, l'an dernier, on avait jeûné pendant 24 heures et le lendemain, on avait eu un don substantiel qui était tombé du ciel. You remember last year we prayed and fasted for 24 hours and it was followed by a huge gift, financial gift given to the church. Si on est honnête, moi compris, on avait tous eu le sentiment peut-être que si on fait un autre jour de jeûne, on va recevoir une somme équivalente. And to be honest, most of us felt if we did another 24 hours of fasting and prayer, maybe we'd get another big gift. Non, en fait, c'est vraiment le jeûne et la prière nous permettent de nous mettre en communion avec Dieu et d'être prêts à accepter sa volonté, même s'il ne guérit pas la personne pour laquelle nous prions. No, fasting and prayer is to seek an intimacy with the Lord and align ourselves with his will. Prions pour ces personnes malades, prions pour nos êtres chers, sans remettre en question l'amour de Dieu s'il ne répond pas tel que nous le demandons. Il sait mieux que nous ce qui est bon en fin de compte. So we can pray, we can fast for those we love, for those we love who are sick, but all the while being ready to accept what God's will is. Comme David le disait, peut-être que l'Éternel nous fera la grâce de guérir la personne. And as David said, maybe the Lord will give us the grace to heal this person. Mais nous ne pouvons pas le forcer à agir d'une façon ou d'une autre. But we can't force God to act in one way or another. Il est souverain et nous sommes ses créatures. He is sovereign. We are his creatures. He loves us. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, avec la même femme qui, dans cette relation qui a commencé par l'adultère, David va avoir le fils Salomon que Nathan avait prophétisé et qui devait construire le temple. What's incredible is that in his relationship with this same woman, David will have a son, Solomon, that Nathan prophesied would come and would build the temple. Dieu veut montrer que quand il pardonne complètement. God wants to show that when he forgives completely. Nous avons à faire face aux conséquences de notre péché. We have to face the consequences of our sin. Mais Dieu continue à bénir. But God continues to bless. Et David, ça voulait dire le bien-aimé. Nathan, on donne à ce fils Salomon, qui veut dire paix, parce que la paix est revenue entre David et Dieu, et entre Bathsheba et Dieu, et la paix est revenue. So David, whose name means beloved, is given the son, Solomon, whose name means peace. And he is even a symbol of God's peace and love. Mais Salomon, il va avoir le très beau nom de Yedidia, qui veut dire chéri de l'Éternel. His first name is Jedidiah, which means chéri de l'Éternel, beloved of the Lord. The dear one of the Lord. Mm-hmm. Et ça, encore une fois, c'est pour nous encourager, nous tous qui sommes des pécheurs. And this is to encourage all of us who are sinners. Si vous n'êtes pas pécheur, c'est pas la peine d'écouter. If you aren't a sinner, you don't have to listen. Mais si vous est jamais arrivé de commettre une faute que vous avez regrettée, ce passage terrible, en même temps, est un passage formidable d'encouragement. But if you have ever committed a fault that you regret, this passage is a good one. Dieu pardonne un pécheur qui se repent. God forgives a sinner who repents. Dieu nous met en garde, on ne se moque pas de Dieu. Paul, dans Galates 6, 7 à 8, God warns us that we cannot mock him. Ce qu'on sème, on moissonne aussi. What we sow, we will reap. He reminds us in Galatians. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. In Galatians 6, verses 7 and 8, whatever a man sows, he will also reap. For the one who sows to his own flesh shall from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit shall from the Spirit reap eternal life. Ça, c'est les conséquences du péché. So that is the consequences of sin. On parle des fois de la loi de la moisson. We speak sometimes of the law of the harvest. Si nous ne confessons pas notre péché, et même si nous le confessons, il y a des conséquences. If we don't confess our sin, or even if we do, sin will have consequences. La loi de la moisson, c'est que on va récolter des choses de la même nature que ce qu'on a semé. The law of the harvest is that we will reap things of the same nature as that which we sow. Ça va prendre du temps, mais ça va arriver. It will take time, but it will happen. Et enfin, on va récolter plus que ce qu'on a semé. And in fact, we will reap more than we sow. Nous allons voir que lorsque le prophète dit que l'épée va être sur la maison de David, il va y avoir des morts brutales dans sa famille, terribles. And when the prophet prophesied that the sword would be over David's house, we will see incredible suffering in David's house. Mais dès que nous nous repentons, dès que nous admettons notre péché, que nous venons à Dieu, il nous pardonne et la communion est restaurée. But once we come to God, when we repent, our relationship with him is restored. Je terminerai par une citation de Saint Augustin le Kabyle. Pierre wants to end with a quote from Saint Augustin. Saint Augustin, l'archevêque ou l'évêque de la ville d'Hippone en Algérie de l'Est. He was bishop or archbishop of a city in western Algeria. Ça nous rappelle entre parenthèses que l'Algérie était chrétienne avant d'être conquise par les musulmans. Which reminds us that Algeria was a Christian country before the Muslim. Mais parlant de ce passage, il disait la chute de David devrait mettre en garde ceux qui n'ont pas chuté. He tells us that the fall of David should be a warning to those who might fall. Mais aussi sauver du désespoir ceux qui ont déjà chuté. Amen. But also raise hope for those who have already fallen. Amen. Prions. Let's pray. Seigneur, merci pour ta tendresse, ton amour. Lord, we thank you for your tenderness, for your love. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés. And I ask you forgiveness for my sins. Seigneur, si je compte tous mes bienfaits, je peux voir combien le nombre en est grand. And if I am truly honest, I have to admit the great number of sins. Seigneur, merci d'avoir utilisé l'exemple de la vie de David pour nous parler ce matin. Thank you for using the example of David to speak to me this morning. Seigneur, je prie que cette histoire, cette histoire historique, ce récit historique nous attendrisse nos cœurs pour que nous puissions reconnaître devant toi nos péchés, Seigneur, personnels. Lord, I pray that this old story from ancient times would have the result of helping me to recognize the sin I need to confess. Merci Seigneur parce que tu nous reprends, tu nous corriges. Thank you Lord that you reprimand us, you correct us. Tu nous dis mon fils ne prend pas à la légère la correction du Seigneur. And you have said that your sons are not to take lightly the Lord's correction. Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. We should not be discouraged when you reprimand us. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Because you correct those you love. Tu nous traites comme tes fils, Seigneur. You treat us as your own sons, Lord. Tes fils et tes filles, et nous t'en remercions. And we thank you. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à résister à la tentation, Seigneur. And we pray that you would help us to resist temptation. que tu nous rappelles tous tes bienfaits. And you would remind us of all your goodness, your blessings. Et Seigneur, si nous tombons dans le péché, aide-nous à nous repentir tout de suite. And if we fall into sin, Lord, help us to repent immediately. Seigneur, merci pour cette histoire, ce récit qui nous met en garde et qui nous réconforte. Thank you for this story that is a warning to us and a comfort. Qu'elle puisse nous aider dans les moments de tentation, Seigneur. May it help us in times of temptation, Lord. Amen. Amen.